CFOU 89.1. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans le segment Geek CNX, un sénateur français veut interdire le cellulaire dans la rue. Est-ce qu'on peut interdire les Français qui jasent trop fort sur leur cellulaire? Dans Télévision, une réalité offre un voyage dans l'espace. Je préfère envoyer les gens qui regardent des télé-réalités dans l'espace. Et dans Geekette en devenir, une voiture qui change de couleur en contact avec l'eau. Ça me surprend qu'on offre toujours pas de spray tan orange pour auto. Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et voici celui qui a la peau orange parce qu'il mange trop de Cheetos, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Neil Armstrong et contrairement à un astronaute qui peut pas être entendu lorsqu'il crie dans l'espace, j'ai besoin de quelqu'un à qui parler, donc j'accueille Marie-Ève Picard, bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, hey, ça me donne le goût de manger des Cheetos. Oui, hein, c'est un début d'émission qui donne faim. Mais hein. Ouais, je sais pas s'il y a Jersey Shore, c'est pour ça qu'ils sont orange les autres aussi. J'ai aucune idée. Ça sera pas à cause de leur sprinter? Peut-être. Plus tard à l'émission, on aura C'est un fait, Tech Edition, Television, ainsi que la Geekette en devenir. Pour terminer ça en beauté, c'est ta chronique à toi, ça. Bien sûr. Dans quelques instants, on va débuter avec le segment Geek CNX, mais pour commencer l'émission, on doit écouter un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et aujourd'hui, là, je vous propose un extrait du nouvel album de Anova. On s'en va entendre la pièce Flow sur Ego Depletion, ça c'est le nom de l'album pour Mathieu Plante Show. We'll be right back. Un extrait du nouvel album de Anova avec un zéro à la place du haut. L'album s'appelle Ego Depletion et la pièce est Flow. Retrouvez le lien évidemment sur assemblagerequis.com. Ça est de toutes les chroniques de l'émission d'aujourd'hui, toujours sur assemblagerequis.com. Maintenant, Marie-Ève Picard! Oui, Mathieu Plante. Oui, as-tu entraîné ta voix un petit peu pour faire une intro pour CNX? J'ai essayé, tu me diras qu'est-ce que ça a l'air. Ben, t'as juste une chance, là. OK, vas-y. Go! Tash.com. Pas pire. Est-ce que tu as fait l'écho en te mettant la bouche dans une canne de Pringle? Ben oui, tout à fait. Donc, Chronique Geek CNX, le bulletin de nouvelles geek de la semaine. Commençons avec les montres intelligentes. Celles qui contrôleront le monde un jour. Oui. Les appareils high-tech portatifs, comprenant notamment les bracelets de sport, les lunettes et les montres connectées, s'écouleront à 64 millions d'exemplaires à travers le monde d'ici 2007, selon un rapport de la firme Berg Insight. Ce nombre était de 8,3 millions en 2012 et de 3,1 millions en 2011. Alors que les bracelets et autres appareils de fitness représentent la grande majorité de ces livraisons, la firme pense que les montres intelligentes vont éclipser ces appareils pour représenter 23 % des 13,8 millions d'appareils connectés vendus en 2017, alors que les gadgets de sport ne représenteront que 17 % du marché. Il prévoit aussi que les montres intelligentes comporteront des fonctionnalités sportives, comme c'est déjà le cas avec les montres Samsung Galaxy Gear et Pebble qui intègrent Runkeeper. Pour vrai, j'en veux une montre comme ça. C'est malade. J'en veux deux, en fait. Oui. Une pour chaque bras. Une pour toi. Oh. Non, excuse-moi, oui, une pour toi et une ouais. pour moi. C'est ce ouais. que je voulais dire. Tu vois les mots de la bouche. C'est bien repris. Quand même. Non, mais pour vrai, je trouve que c'est les bracelets de fitness seulement ouais. versus les montres qui font aussi du fitness. Ouais. J'avoue qu'ils ont un point. C'est un meilleur achat. Ça fait tout, tu sais. Ouais. LG confirme le début de sa production d'écrans pliables et incassables pour téléphones intelligents. LG vient de confirmer par voie de communiqué le lancement de sa production d'écrans flexibles à destination de smartphones. Pas un mot cependant sur le terminal à écran incurvé que la firme pourrait dévoiler prochainement. Donc un écran de 6 pouces qui suit de quelques mois l'arrivée du premier téléviseur à écran flexible de 55 pouces de la marque LG. Entrequant les substrats de plastique à la place du verre, les écrans de cette nouvelle génération sont plus solides, donc incassables, nous dit LG. Et peuvent être incurvés. S'il faudra attendre encore un moment avant de pouvoir les plier réellement, sans compter que le reste des composants aura de toute manière du mal à suivre. Là, c'est beau si l'écran est pliable, mais les composantes à l'intérieur ne sont pas pliables. Ça marche pas. Il faudra vraisemblablement compter sur ces nouveaux écrans dans les futurs terminaux de LG et d'autres firmes. Donc, pour vrai, un téléphone pliable dans la poche, ça suit ta cuisse. Ce serait pas pire, hein? Un téléphone à cuisse. C'est... Oui, bon. Bon, vas-y, là, c'est le bout, là. C'est une danse à 10, mais ouais. sur ton téléphone, il est pliable. Fait que c'est lui qui est NFC, full argent qui sort de ta poche. Ah, de bref. Mais c'est cool, non? Ah, c'est très cool. Si ça marche bien, là, c'est génial. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment une montre avec l'écran pliable. C'est que vraiment, tu sais, à la place d'avoir un gros carré sur ta. Ouais, mais t'es pas obligé de prendre une montre avec un super gros carré, là. Normalement, non, mais la montre. Les montres intelligentes ont tendance en ce moment à avoir un assez grand écran. Ouais. Donc, s'il était pliable sur le contour de ta. En tout cas, bref. Ça s'en vient un jour. Mm-hmm. D'ailleurs, tiens, après les écrans incurvés, les batteries en forme de câble. Donc, c'est toujours LG, c'est LG Shem, en fait, rien à voir avec Shem Tele 8, là. C'est la branche de LG qui va travailler bientôt, en fait, présentement, sur le développement de nouvelles batteries pour téléphones mobiles. Et donc, ils ont dévoilé ce futur type de composant. Qui dit smartphone à écran incurvé sous-entend de disposer en marge de composants qui viendront épouser la forme de ce dernier. Donc, LG Shem dévoile le futur des batteries destinées aux dispositifs portatifs. LG Shem annonce des batteries incurvées. La firme explique disposer d'un brevet exclusif permettant de limiter le stress subi par une batterie courbée. La production de ce modèle a été lancée début octobre, ce qui laisse penser qu'elle sera intégrée au téléphone d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, le battery cable, on change de sujet un petit peu, mais battery cable, il s'agit d'un câble qu'on peut tordre et même nouer, et ce modèle n'est encore qu'un prototype qui sera disponible dans les prochaines années, donc devrait trouver sa place dans les petits appareils qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance. Le dispositif est en effet destiné à ne pas consommer énormément d'électricité pour ne pas chauffer. Il est également annoncé comme étant résistant à l'eau. Donc là, on parle d'une batterie en forme de fil, très très mince, pliable, on peut faire des nœuds dedans, mais c'est une batterie. C'est cool, là. C'est pour vrai, là. Ça s'en vient. C'est vrai que ça va tout s'en aller par là, hein? Toutes des choses le pliables que tu pourrais mettre tout petit là, dans ta poche. Il faut suivre les gens. Les gens, c'est ça qu'ils font. Ils sacent leurs affaires. Ils entourent les affaires autour de leur téléphone. Puis ils sacent ça dans le sac. Tu sais, comme justement, là, quand tu branches, mettons tes écouteurs sur ton iPod, t'as déjà le petit bout en haut, là, que mettons quand tu fais juste l'enrouler autour de ton iPod parce que tu t'en vas pas loin, mais ça plie, là, le petit bout, là. Sinon, c'est tu le mets pas dans un affaire, là. C'est exactement. Et justement, tu préfères un nœud dedans, mettons, sur le bout de ton fil, puis ça briserait rien, moi. Les scouts vont enfin avoir un badge qui va servir à quelque chose, savoir faire des nœuds. Nœud d'iPod. Nœud d'iPod. Cool. Mais que tu puisses faire un nœud dans ton iPod physiquement. Là, ça, genre, le iPod va être ton fil. Le fil, ça va être le gadget. Malade. OK. Kickstarter. Oui, Kickstarter, moi, ça. Un sénateur français veut interdire le cellulaire dans la rue, Marie-Ève. Oui, ben évidemment, c'est pas signé, c'est pas fait, tout ça, mais en France, les téléphones cellulaires sont déjà interdits au volant et peuvent coûter 3 points et 190$ aux automobilistes. Et voilà qu'un sénateur veut carrément le proscrire dans la rue. Pierre-Bernard Raymond, élu sans étiquette du département des Hautes-Alpes, a écrit au ministre de l'Intérieur pour qu'il rende illégal l'usage du téléphone portable par les piétons. C'est le site PC Impact qui a repéré cette question écrite dans le journal officiel du Sénat. Pierre-Bernard Raymond, je cite, demande à M. le ministre de l'Intérieur s'il n'estime pas utile pour assurer une meilleure sécurité des piétons de leur interdire l'usage du téléphone portable lorsqu'ils empruntent des voies ouvertes à la circulation automobile ou lorsqu'ils utilisent des passages protégés pour les traverser. Fin de la citation. Ça va un peu loin. Ben, oui, ça va un peu loin. Mais non. Mais en même temps, combien de fois est-ce qu'on voit des gens marcher dans la rue avec leur cellulaire dans un qui regardent? Puis que là, tout est obligé de braquer raide parce que lui, là, il a jamais regardé, puis il continuait, puis il regarde pas aux alentours, ils sont juste fixés sur leur téléphone parce qu'il marche. Fait qu'ils disent, oh, ben, tout le monde va arrêter parce que je marche, là. C'est moi l'important, de toute façon, je suis maître du monde. Ben, c'est ça. Fait que, dans ce sens-là, oui, c'est sûr que ce serait plus que temps, mais en même temps, là, ça n'a aucun bon sens d'interdire un cellulaire. Ben, c'est difficile à enforcer comme règle. Ouais. Comment est-ce que il y a des caméras partout et tu surveilles les gens qui parlent sur ton téléphone? Ben, tu sais, ça doit être pas super comme toi, la police qui surveille justement quand t'es en voiture, là, puis qui te pogne avec ton cellulaire en train de parler, puis que t'as pas le droit. C'est dans le fond, c'est de faire peur aux gens, de peut-être que tu vas te faire prendre. C'est ça. C'est la même affaire que. C'est ça. C'est comme quand tu fais de la vitesse, tu peux ne pas te faire prendre, mais quand tu te faire prendre, ça va coûter cher. C'est ça. Donc, l'élu qui veut punir les personnes qui traversent sur les passages piétons, le téléphone à l'oreille ou en train de composer un SMS, c'est l'initiative qui rappelle celle prise par un sénateur démocrate américain en 2011. Maintenant, on parle de téléphone, de lunettes, pardon, intelligentes qui traduisent en temps réel. Oh? On a déjà parlé de Kinect qui traduisait la langue des signes en temps réel il y a quelques semaines. Oui. Donc, le département recherche et développement de NTT Docomo a présenté au salon de l'électronique CEATEC de Shiba au Japon une paire de lunettes intelligentes capables de proposer une traduction en temps réel de documents visuels. Mmh. L'idée est de rendre le japonais et dans l'absolu n'importe quelle autre langue plus abordable pour les étrangers à travers une solution portable compacte et efficace. Ces lunettes sont ainsi capables de substituer le texte original et de le remplacer instantanément par sa traduction. Son logiciel intégré s'inspire d'applications classiques de traduction alliée à la reconnaissance optique de caractère. De caractère, ça c'est le OCR. À ne pas confondre avec CCR, groupe de rock. Cette démonstration faite par NTT Docomo, qui ne présage encore en rien d'une future commercialisation, a accompagné la présentation d'autres lunettes équipées, quant à elles, de solutions de reconnaissance faciale et de réalité augmentée. Donc, pour vrai, tu vois quelque chose dans tes lunettes et c'est traduit instantanément. C'était un peu comme l'application. Il y a une application qui s'appelle genre World Lens ou quelque chose comme ça sur l'iPhone, qui, en théorie, tu regardes avec ta caméra sur ton iPhone une pancarte d'un spectacle, peu importe, et ça traduit en live et ça remet, pas dans la même police, c'est pas du tout dans la même façon de le placer, mais le texte sur ça, mais là, ce serait dans des lunettes. Mmh. Et la technologie est rendue là parce que ça fonctionne relativement bien déjà sur l'application. C'est fort, hein, quand même. Maintenant, des t-shirts qui brouillent les algorithmes de reconnaissance faciale. Hein? Ouais, une marque de t-shirt nommée Real Face Glamouflage. C'est fait une spécialité des vêtements conçus pour tromper les systèmes de reconnaissance des visages. Conçue par une chercheuse hollandaise nommée Simone C. Nickwill, et à ne pas confondre avec NyQuil, qui va t'endormir. Les vêtements Real Face Glamouflage affichent des visages déformés de célébrités ou des visages juste de gens comme ça, qui perturbent les algorithmes de reconnaissance faciale. Cette démarche en partie intégrante du travail du travail de recherche de Simone NyQuil qui s'intéresse à la valeur des données biométriques. Les motifs assez effrayants, si vous voyez les photos sur assemblagerequis.com, mais dans le fond, c'est que tu portes une chemise et s'affiche dessus des faces, mettons, de Britney Spears, un petit peu déformées, et ça va comme flouer les systèmes de reconnaissance faciale parce qu'il y a des faces de vedettes sur ta chemise qui bougent. C'est très drôle. Il est donc désormais possible d'enrichir sa garde-robe d'homme invisible avec un t-shirt fort peu discret, mais qui mettra Facebook et les autres détecteurs de visage dans une certaine confusion. Il faut cependant débourser 65$ pour chacun de ces t-shirts-là. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non. C'est ça, je me disais. Le laboratoire Disney Research travaille à apporter une nouvelle dimension aux tablettes tactiles, à savoir la sensation du relief au toucher. Sur une tablette. Pour ce faire, les chercheurs développent un algorithme capable de gérer des frictions à la surface de l'écran. Disney Research focalise son attention sur une nouvelle technologie à base d'électrovibration permettant de créer une sensation de relief à la surface d'une tablette, permettant à son utilisateur de ressentir de la texture en fonction de ce qui est affiché. Wow! Donc, je sais pas, tu regardes une photo d'une toast, puis tu vas sentir le rugueux de la toast. Mais ouais, mais faudrait quand même pas que tu magasines des couteaux, mettons. Non, c'est ça. Oups, une plaie. Oh oups. Non! En utilisant une tension mais électrique. Ah, oh, je le sais, je le sais. Un chat? Oui! Je te vois venir à des centaines de mètres. Tu pourrais faire ça avec les petits chats. Il pourrait te licher le bout du doigt. En utilisant une tension électrique, il est possible de changer la sensation de friction ressentie par l'utilisateur lorsque ce dernier touche certaines zones de l'écran. La technologie combine matériel et logiciel et est encore en phase de développement, mais pourrait se retrouver dans les tablettes à l'avenir. J'en veux! Oui! Oui! Salut, Guécha! Allô, Guécha! Un festival consacré à YouTube s'en vient à Toronto. Ooh. Quelques semaines après avoir reçu les plus grands noms de Hollywood... Pour son festival de films, la ville de Toronto se prépare à recevoir un autre groupe de cinéastes qui participera à un événement spécial. Le tout premier Buffer Festival, consacré aux œuvres de certains des plus grands créateurs du site YouTube, prendra son envol le 8 novembre à Toronto et durera 3 jours. Le festival est dirigé par Corey Vidal, qui a lui-même lancé sa carrière sur YouTube il y a plusieurs années grâce à un hommage a cappella au compositeur John Williams et à Star Wars, qui a été vu 18,6 millions de fois à ce jour. Pas pire quand même. Vidal dit avoir eu l'idée d'un festival du film YouTube en 2011, mais que c'était à la suite d'une rencontre imprévue avec quelqu'un du Centre canadien du film l'an dernier que le projet a pris forme. Grâce au financement et au soutien du centre et de quelques commanditaires, Vidal a pu organiser des projections dans certaines des plus grandes salles de la ville. Chaque projection coûtera 15$ et durera 90 minutes. La moitié de ce temps sera consacrée à la projection de vidéos sur un grand écran et l'autre moitié sera dédiée à des discussions avec des créateurs de contenu. C'est cool. Très cool. Bonne initiative. Le festival du YouTube, c'est le Buffer Festival à partir du 8 novembre à Toronto. C'est bientôt. Ouais, dans moins d'un mois. Publié par vengeance sur Internet, des photos nues ou des films coquins réalisés avec son ex-partenaire sera désormais passé de 6 mois de prison en Californie. Voilà! Selon une loi promulguée dans l'État pour lutter contre le phénomène de ce qu'on appelle le porno vengeur. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Pas pire, hein? Consistant à se venger d'une ex-partenaire ou d'un ex-partenaire en diffusant sur Internet des photos et des films le ou la représentant nu. Les personnes s'adonnant à cette pratique en distribuant illégalement des images intimes avec la volonté de harceler ou de gêner seront passibles d'une peine de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000$. La loi promulguée par le gouverneur de Californie, Jerry Brown, complète les lois qui punissaient la diffusion de photos intimes prises à l'insu des intéressés. Le nouveau texte inclut dans la loi les photos et les films réalisés d'un commun accord dans les circonstances où les parties tiennent pour acquis que les images resteront privées. Encore une fois, bonne idée. Ça va brasser dans la cabane tout à l'heure. Exactement, ça va se brasser dans la cabane, dans le sens que c'est une vidéo de porn. Ça se brasse, le camarade. Oui, mon camarade. On a compris? Oui, on avait compris. Oui. Next, Apple et son iOS 7 donnent-ils la nausée? Je sais pas. Moi, non. J'ai pas un iPhone. T'as un Android. Un Android. Est-ce que t'as essayé mon iPhone? Un petit peu, mais pas assez sûrement pour me dire « Oh, tiens, j'ai une nausée. » Ben, tu vois, moi, je suis partagé parce qu'évidemment, je ne suis pas affecté de ce syndrome bizarre. Lisons l'article pour comprendre un peu. Allons-y. Article du Huffington Post. Certains utilisateurs de l'iPhone et de son nouveau système se disent victimes d'étourdissement et de nausées. Étonnant phénomène que celui rapporté par Top Santé, alors que la célèbre compagnie Apple reçoit plusieurs plaintes hors du commun en lien avec son nouveau système d'exploitation iOS 7. C'est que plusieurs utilisateurs du iPhone et du système iOS 7 seraient plus sensibles aux animations abondantes et seraient victimes de nausées et d'étourdissement. On pointe notamment les zooms fréquents, parce que chaque application, quand tu l'ouvres, zoom sur l'icône et ensuite dézoom pour sortir de l'application. C'est super cute. Je tripperais sur cette animation-là. Mm-hmm, je trouve ça beau. Oui. Donc, la résolution, l'éclairage, les animations, des facteurs qui s'avèrent pourtant des points positifs pour certains, c'est que quand tu bouges ton iPhone, le fond bouge avec, mais pas dans le même sens. Ça fait comme un effet parallaxe. C'est comme la 3D. C'est vraiment, vraiment cool. Je trouve ça génial. Sauf que pour les gens qui sont plus sensibles et vulnérables, dont ceux victimes du syndrome vestibulaire, l'utilisation du système peut s'avérer dommageable et difficile. La Vestibular Disorders Association, la VEDA, y va donc d'une recommandation importante pour aider les personnes aux prises avec ce genre de problème. La VEDA fait remarquer qu'il existe un moyen de changer les options du iPhone et de son système ainsi d'ainsi réduire le mouvement observable sur l'appareil. Ah, bon. Mais tu peux pas tout enlever, ça l'affaire. Non, sûrement pas, mais au moins, si tu peux t'aider... C'est ça. Ben, tu peux enlever l'effet de parallaxe du fond, mais tu peux pas enlever les effets de zoom. Quand tu entres et sors d'une application, mais ça va venir dans un patch, c'est garanti. Pour ceux qui se le demandent, c'est dans Réglage général, accessibilité, désactiver les animations. Bon, hey, bravo. Quatre sous-branches. On dirait que tu connais ça. Ouais, ben c'est écrit sous l'article. La VEDA souhaite maintenant voir les compagnies de technologie comme Apple créer de nouvelles options qui permettraient aux clients de choisir une interface plus statique et ainsi venir en aide aux patients souffrant de problèmes comme le syndrome vestibulaire ou encore l'épilepsie. C'est vrai, l'épilepsie. Hein? Ben, quand ça bouge trop, tu sais, juste regarder la TV, des fois, ça peut être difficile pour l'épileptique. Donc, faut penser à ces gens-là pour vrai. Ça me dérange pas que tu veuilles mettre tout le lookage, mets en masse du crémage sur ton iOS 7, mais donne-nous l'option de tout enlever. Exact. Très bien. C'est bien. Et un petit avant-goût du CES qui s'en vient en janvier prochain, janvier 2014, à Las Vegas, comme toujours. À chaque année, ça a lieu. Et là, la Consumer Electronics Association, qui est à l'origine du salon Consumer Electronics Show, qui se tient au mois de janvier, a choisi Paris pour dévoiler quelques prévisions des tendances de l'année 2014. Donc, l'impression 3D, évidemment, encore une fois, sera à l'honneur grâce notamment à la mise en place d'une nouvelle zone thématique. Autre catégorie de produits high-tech à faire concrètement leur entrée dans le salon, les dispositifs de mesure de soi, donc le Quantify Self, ainsi que la mode des vestes qui s'adaptent, les A qui ressemblent à des O, dans certaines polices, en fonction de la température extérieure au sac à main. Je vais refaire la phrase, ça dérange-tu? Commence. OK, 1, 2, 3. Des vestes qui s'adaptent en fonction de la température extérieure. Bravo. Au sac à main à recharge solaire. Mm-hmm. Et plus encore. Oh, voilà. Tu vois, quand tu te concentres, t'es capable? C'est que mettez des virgules. Oh. Des virgules, c'est beau. Puis ça, tu sais, quand tu sais pas si tu dois mettre une virgule. C'est ça. Tu sais pas si tu dois mettre une, mets-en une. Ouais, c'est mieux que de pas en mettre. Exactement. Bon, Donc, tout ça va être rassemblé dans une zone lifestyle. Télévision Ultra HD, qui s'en vient aussi. Impression 3D, évidemment, on en a parlé tantôt. Donc, c'est les grandes lignes de ce qui s'en vient. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est à peu près ce qu'on va vivre en janvier ensemble. Mais tu sais, le CES, ce qui est le fun, là, OK, c'est que tu entends parler de produits qui ne seront pas sur le marché du grand public d'ici, genre, 3 ans au moins. Ouais, c'est ça, c'est loin, là. Fait que tu parles du futur. Oui, bon, tu sais. Oui, puis on va vivre ça à la Lune, puis ouais, ça s'en vient. Fait que t'es full excité en sortant de là, mais finalement, tu te rends compte que. J'achète ça où? T'achètes pas ça. Dommage. En effet. Mais bon, on va en parler quand même. Ben oui! Puis on s'en reparlera après ça dans 3-4 ans quand ça sera vraiment sorti. Mais au moins, c'est vrai que ça s'en vient un jour. T'sais. Ah ouais, mais tant qu'à ça, faut aussi bien dire juste le mois d'avant, mettons. Je sais pas. Je comprends qu'il faut vivre dans l'espérance. Ben, on vit dans le futur avec le Mathieu Plancho, c'est un peu ce qu'on fait. Ah ouais! J'ai besoin d'une pause avant de faire le bloc Wow What Web. Arrête donc, toi. Je te le jure. On s'en va entendre un autre morceau de chiptune. On s'en va entendre D-Boyd avec Snowy Hair, The Reaper Girl, MPS, le Mathieu Plancho sur C'est Fou. Boy, les Snowy Haired Reaper Girl. Snowy Haired Reaper Girl. Ça, c'est bizarre, hein? C'est une fille, c'est qui fauche, là, tu sais, faucheur, le genre, le Grim Reaper, là, tu sais, la personne qui vient te chercher quand tu meurs, là. Ouais. C'est avec l'espèce de grande fourche, là. Ouais. Je suis pas mal de ça en français, le Reaper. Donc, il est Snowy Haired avec les cheveux enneigés, ça. C'est beau. Comme l'émission. The Reaper. Comment ça s'appelait? Tu sais, l'émission avec la fille, là, avec les grosses oui, babines. Oui, Dead Like Me. Ah oui, ah, yeah. Dead Like Me. Pour vrai, ceux qui connaissent pas l'émission Dead Like Me, c'est par le même producteur que Pushing Daisies et plus récemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Hannibal à la télé. Oui. Bref, en tout cas, il fait plein de bonnes émissions et Dead Like Me, c'est une fille, dans le fond, est morte. Puis elle va tuer des gens. C'est ça, elle va comme les chercher, là, mais. C'est sur DVD, il y a un gros coffret avec un film, tout ça, c'est écœurant. Ouais. Dead Like Me, je vous le conseille. Maintenant, c'est la section CNX 2./ Whoa, what? Web. C'est Whoa What Web, la chronique où on fait le tour du web. C'est une sous-section de CNX qu'on faisait juste avant la chanson, là, pour ceux qui suivent un petit peu à la maison, là, suivent la version télévisée. Donc, l'artiste a créé un poster pour chaque épisode de Breaking Bad, le chimiste. Ooh. Émission de télé, Walter White, etc. Donc, une affiche pour chaque épisode. Évidemment, Breaking Bad qui vient de se terminer, qui a eu sa finale de série très récemment, et Walter White ne fait plus partie de nos vies. Mais si vous êtes encore triste après la fin de la série, ces affiches de l'artiste Francesco Francavilla vont vous aider à survivre, à passer au travers. Yay. Il a utilisé donc ses talents pour créer un poster pour chacun des 62 épisodes de la série. Les a postés en ligne un petit peu après chaque épisode, donc graduellement, à chaque épisode, il en postait un. Maintenant que c'est terminé, on a les 62 posters. Il a capturé l'essence de chaque épisode en faisant attention de ne pas s'illustrer de spoilers. C'est ça qui est le fun. Moi, mettons, j'ai pas encore vu Le Chimiste. Je peux aller sur le site assemblagerequis.com, cliquer sur le lien, voir chacune des affiches et absolument rien comprendre. Premièrement, parce que j'ai pas vu les épisodes. Non, exact. Mais je me ferais pas gâcher de punch, genre telle personne est morte, tu sais. Ouais. Donc, c'est une bonne idée. C'est Francesco Francavilla. Bravo. Ensuite, il y a un gars, un dude bizarre, qui avale de la. En fait, qui renifle de la peinture. Et qui squirt la peinture par ses yeux, tu sais, l'endroit où sort les larmes, le conduit de larmes, bref, la glande, larmeuse. Ah, comme ceux qui sniffent du lait, là, puis font sortir ça par leurs yeux. Exactement, là. T'as vu le même épisode de Record Guinness à la télé que oh, moi. Yes. Donc, Leandro Granato, qui crée de l'art, comme je disais, reniflant la peinture de couleur dans son nez, là, squirtant par ses larmes sur un canevas, donc une toile vide. Monsieur Granato, qui a passé 2 ans à s'entraîner, à développer une formule spéciale de peinture qui n'endommagera pas ses yeux. Oh. Quand même, le gars a travaillé fort, donc c'est de la science, là, c'est pour ça qu'on en parle. C'est geek, ouais. C'est geek d'avoir cherché de la peinture qui faisait pas mal à tes conduits larmoyants. Ouais, là, je veux bien, là, mais... Et Leandro croit être la seule personne au monde à être capable de peinturer comme ça. J'en doute pas, parce que qui va être assez fou pour essayer ça, t'sais? Ben, si c'est pas dommageable, tout ça qui, justement, ouais. On va essayer le lait, ben, il pourrait essayer ça. Mais tu sais, justement, le gars vend pas sa peinture qui fait pas mal au conduit larmoyeux, là. Il est plate un peu. Ben là, il pourrait faire de l'argent. Allez voir le site leandrogranato.com.ar et la vidéo sur assemblagerequis.com. Oh oui, c'est un artiste. Oui, un tartiste, qu'on dit. 106 des épisodes les plus vieux de Doctor Who ont été trouvés dans une station de télé en Éthiopie. OK, et là, bon, j'ai jamais été fan de Doctor Who, moi, personnellement. Tu connais pas toi non plus? Non, pas tant. Mais tu sais, il y a une version récente qui existe encore, qui est encore non. Mais avant ça, il y avait une version très, très rétro de tout ça. Oui. Et si vous n'êtes pas fan de l'émission, peut-être que vous ne connaissez pas ce fait intéressant. On pensait que ces épisodes-là étaient perdus depuis toujours et pour toujours. Oh. Okay? Donc, dans le fond, c'est que la BBC, un peu comme TVA et les stations québécoises, dans le temps, les cassettes coûtaient cher. Et ils effaçaient les épisodes au fur et à la mesure. Ah oui, moi j'ai déjà entendu ça. Ouais, donc on croyait que BBC... Ben, en fait, on croit pas. BBC a effacé les cassettes de Doctor Who dans le temps. Les épisodes qui mettaient en vedette William Hartnell et Patrick Troughton. Donc, incroyablement, 106 de ces épisodes-là ont été découverts dans une agence qui s'appelle l'Ethiopian Radio and Television Agency. Et parmi les épisodes qui ont été redécouverts, sont plusieurs épisodes qui ont été diffusés seulement une fois à la télé. Hey! En tout, là. Il n'y a même pas eu de rediffusion. Genre, ça passait aucune. One shot. Une fois, c'était diffusé, ça a été effacé par après. Hey! Donc, on parle d'épisodes comme The Crusade et The Enemy of the World et The Ice Warriors. Je mets des The au lieu des D partout. Donc, on dit que la BBC avait vendu ces épisodes-là à l'agence de télévision de l'Éthiopie avant de détruire les originaux. Et la BBC est présentement en train de travailler à faire ramener ces copies-là au Royaume-Uni pour pouvoir les numériser et faire des copies de sauvegarde de ça. Mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. On peut s'attendre à des coffrets qui coûtent la peau des pieds. Mais oui, c'est sûr. Mais ça va valoir la peine parce qu'ils ont été diffusés à one time. Ça, t'as ça, là, t'es riche, là. Ça s'appelle de l'inédit, ou presque. Ouais. C'est fantastique. Wow! Ensuite, tiens, si vous aviez à utiliser, un peu comme, tu sais, au primaire, on faisait des expériences de science avec des patates. Ouais. On mettait des patates électriques qui faisaient, dans le fond, fonctionner un cadran ou, tu sais, une horloge. Là, mm-hmm. On se rappelle tous de cette expérience-là. Combien de patates est-ce que ça prendrait pour, dans le fond, fournir votre maison au complet en électricité? Mmh. Ben, les gens chez Movoto ont la réponse. Même pas besoin de chercher plus longtemps que ça. Non, OK. Je pensais si vous voulez, je devine. Non, mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas combien notre maison mesure de pieds carrés. Ah. Fait que pour faire le test, il aurait fallu savoir ça. Ah. Donc, c'est une petite calculatrice en ligne sur le site de Movoto. Je vais vous donner l'adresse exacte si je puis vous la dire. C'est movoto.com. Plus, rien de plus simple que ça. Donc, calculatrice qui va figurer, comprendre, vous dire combien il va falloir de pommes de terre pour alimenter votre maison au complet, basée sur le courant qui est produit par une seule patate, les pieds carrés de votre maison et le temps que ça prendrait, dans le fond, pour le faire. C'est ça. La plupart des maisons, pendant un an, ça coûterait plus d'argent que le double de la valeur de la maison elle-même en termes de patates. Et tabarouette! That's a lot of potatoes! Ah, yeah! Tous ensemble, lâche pas la patate! Non, tu t'en bats pas. Lâche pas la patate! C'est la pub de Valentine qui joue sur nos ondes. Ouais. Pour ceux qui comprennent pas. C'est bon, du Valentine. Mais ils sont tellement sympathiques. En plus, quand t'arrives là, ils sont tous souriants. Puis, mais oui! Je pense que ça commence, c'est fini, fait que ça sert plus à rien. Ben, c'est pas grave, aime ça pareil. Valentine, non, je suis pas patate. Bon, donc, maintenant, une nouvelle technologie qui s'appelle Vitex, qui va refroidir une boisson en quelques secondes. Yabadabadou, hein? Mm-hmm. Donc, les micro-ondes, évidemment, on connaît tous les micro-ondes qui nous permettent de cuire notre nourriture très rapidement. Et une compagnie britannique, maintenant, qui s'appelle EnviroCool, et c'est leur partenaire, dans le fond, travaille sur une technologie de refroidissement rapide qui s'appelle Vitex. Et un réfrigérateur qui utilise Vitex pourrait refroidir une canette de boisson gazeuse, disons, en 45 secondes. Wow! Ça ou 5 à 10 minutes dans le congélateur, tu choisis le 45 secondes, clairement. Ben oui, ben puis c'est bien plus que 5 à 10 minutes dans le congélateur, là, je te fais remarquer. Là. Combien de temps? Moi, je l'oublie de toute façon dans le congélateur. Ben, c'est au moins une demi-heure, là. Au moins, pour qu'elle soit pas vraiment très froide, là. Mais bref, 45 secondes, on s'entend que c'est moins qu'une demi-heure, est-ce que je sache? C'est pas long, là, parce que justement, quand t'as oublié, tu sais, justement, de mettre des liqueurs au frigidaire, là, pour la fin de semaine. Ouais. Mais au moins, c'est pas long. Ben non. Donc, les réfrigérateurs de Vitex qui créent dans le fond, qui font tourner, qui font virer la canne ou la bouteille en la refroidissant dans de l'eau pour éviter de faire de la slush. Et apparemment, ça fait tourner les boissons d'une façon pour que, dans le fond, ça explose pas à cause des bulles. C'est la boisson gazeuse. Ouais. Ouais. Bref, ça explosera pas en le prenant, en le sortant. Voici un petit tableau pour nous dire, dans le fond, combien de temps ça prend. Et là, j'essaie de comprendre le tableau en termes de minutes. On me dit entre 0,7 ou environ 0,7 minutes pour une canette de 330 ml et jusqu'à une bouteille de vide de 650 ml qui prendrait 8 minutes environ. Si je comprends bien le tableau, mais il y a des plus moins, des symboles plus moins que je comprends pas. Là. Ben, c'est quand même pas pire. Ben, on va espérer que ça se rende dans le grand public un jour. Ouais, moi je suis preneuse. Ouais. Ensuite, tiens, on a une compagnie qui crée de la bière à partir de poussière de lune. Hein? Ouais, c'est Dogfish Head Brewery à Rehoboth Beach au Delaware qui sort une bière faite avec de la poussière de lune, poussière lunaire, pour célébrer l'équinoxe d'automne. Et cette Celeste Jewel Ale à 5% est accompagnée d'un sous-verre fait du même tissu que les habits des astronautes. Oh! Et ça va être exclusif à leur petit pub qu'ils ont eux-mêmes, le Dogfish Head Brewery. Ils ont travaillé avec ILC Dover, qui est une compagnie locale, qui crée des habits spatiaux pour la NASA, pour avoir, dans le fond, cet ingrédient très, très unique. Saveur qui est rempli de notes caractéristiques de malt, de pain grillé et de caramel subtil, avec un petit peu de goût âcre et d'herbe. Dans le fond, c'est ce que ça nous dit dans l'article. L'addition de petits morceaux de météorites lunaires écrapoutis en poudre. Et ensuite, ça passe par un processus de fermentation. Puis c'est ça. Un paquet de détails que je comprends pas parce que je suis pas un amateur de bière. Mm-hmm. Mais c'est cool comme idée quand même. Ah oui, vraiment? Bière lunaire. Faudra amener ça puis faire tester Danny. À Danny, exactement. Voir qu'est-ce qu'il en pense au dîner de con. Présenté par la Barrique, 41-70 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, mon Carl. Hey! T'as pas sauté? Non. Ah, oh, on les adore, on les adore. Yay! Et le dîner de con, évidemment. Maintenant, on parle de Grand Theft Auto 5. Parlant du dîner de con et de Danny Janvier, qui est un grand fan de Grand Theft Auto 5, principalement en ce moment, j'en suis certain. Donc, il y a une vidéo timelapse qui nous montre le monde de Grand Theft Auto capturé par une série, via une série de captures d'écran. D'accord? Et ça a été fait par The Despicable Challenge pendant toute une journée. Donc, le gars, dans Grand Theft Auto 5, tu peux contrôler la caméra. Donc, il a fixé la caméra sur des environnements comme, mettons, une autoroute avec des autos, le coucher de soleil. Et on voit ça en accéléré. Et pour vrai, ça te montre le hasard de l'algorithme de création du paysage et de l'environnement Grand Theft Auto 5, c'est que c'est jamais pareil. Les nuages ne bougent jamais pareil. Les voitures n'arrêtent jamais exactement à la même place par rapport au stop, aux lumières rouges. Ouais, OK. C'est du hasard et c'est fantastique. Wow. Donc, allez voir ça. Et en plus, ils ont utilisé une Xbox 360 pour faire la vidéo qu'il y a sur le site. Mm-hmm. Imaginez avec une Xbox One ou une PlayStation 4 de quoi ça aurait l'air. Malade. C'est beau, c'est beau. En 1080p, mettez ça sur plein écran, mettez ça sur votre TV. Là, pour vrai, c'est beau. Et finalement, Grand Theft Auto 3 qui ajoute... En fait, c'est pas la compagnie derrière Grand Theft Auto. C'est un gars qui a fait un mod. C'est pour Google Glass. C'est les lunettes de Google. Et donc, il y a un développeur d'application qui s'appelle Mike DiGiovanni qui travaille sur une application pour Glass qui affiche une map GPS de son endroit où il est situé dans Grand Theft Auto 3 alors qu'il joue. Donc, il joue à GTA 3. Et dans sa paire de lunettes Google Glass, il y a une map dans le coin de son œil, donc il voit comme si c'est dans le fond comme un overhead display, un HUD, bref, peu importe. Et il voit la carte dans laquelle il est en train de jouer, donc il sait qu'il peut aller à droite pour telle affaire, tu sais, la carte du jeu. Un peu comme dans un jeu de course, tu verrais la piste dans ton œil pour vrai. Ah, si. Wow. Et il pense partager l'application une fois qu'il va avoir terminé. Allez voir la vidéo de ça en action sur assemblagerequipe.com. Mais moi, je m'imagine jouer à Mario Kart avec ça. Mais oui. Hey, ça serait malade, là. Et voilà pour WoW What Web. Oh, déjà? C'était assez WoW, ça. C'était assez what? Et assez web. Ouais. Donc, on a fait le tour, on a rempli notre mission. Donc, voilà pour cette portion, cette première portion du Mathieu Plante Show pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques minutes avec la deuxième partie. Entre autres, c'est un Fintech Edition, Television Television et la Geekette en devenir. Oh oui! On va faire tout ça au retour. Mais pour l'instant, ceci... Bonjour, c'est toujours le Mathieu Plante Show, l'émission geek de C'est fou, bien sûr, avec Marie-Ève Picard. C'est moi. Et moi-même, Mathieu Plante. Maintenant, tiens, avant de partir en fou puis de terminer cette émission-là, parce qu'il nous reste encore une vingtaine de minutes, on y va avec la prochaine chronique. Et ça donne à être celle qui parle de télévision. Et si, mettons, on devait parler de télévision, comment est-ce que tu appellerais cette chronique-là en étant vraiment le plus original possible, s'il te plaît? Ben moi, je ferais un doublon, genre, mettons, Television, Television. Félicitations pour ton titre de chronique en passant. Je trouve que tu as mis le doigt sur le bobo. Ben, merci. J'ai hésité là aussi beaucoup. Tu as pensé à appeler ça Radio Radio. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit non. Voilà. Restons dans le facile. Oui, c'est ça. Et commençons au Québec. La seule nouvelle québécoise cette semaine, c'est 30 vies qui est en lice aux International Emmy Awards. Ouh, mon Dieu Seigneur. Félicitations. Ouais. Le téléroman de Fabienne Larouche, qu'on devra dorénavant appeler Fabienne Larouche. Larouche. Vu qu'elle est vraiment international. Ben oui. Donc, 30 vies obtient une nomination aux International Emmy Awards. La quotidienne est en lice dans la catégorie Telenovela. Donc, téléroman en compagnie de deux émissions du Brésil et une de l'Angola. Oh. L'International Academy of Television Arts and Sciences a dévoilé sa liste de nominations à Cannes en précisant que 19 pays sont représentés parmi les 36 nominations dans 9 catégories. Le téléroman dont l'action se déroule dans une école met en lumière un professeur différent par saison. Vous le savez, il y a eu Marina Orsini, Guillaume Lemaitre-Vierge, Élise Guilbeault, Karine Vanasse et Marie-Lou Wolfe. Benoît Brière, d'ailleurs, va prendre la vedette en janvier. Les gagnants de la 41e édition des International Emmy Awards seront connus le 25 novembre prochain. Bonne chance! Ben oui, on lui souhaite bonne chance. Quand même, c'est cool. Ouais, c'est cool. Une émission en plus québécoise et quotidienne, c'est quand même rare. Ben, telenovela, je sais pas si c'est un critère, parce que la différence avec un telenovela dans les pays latino, whatever, c'est que c'est souvent des quotidiennes. Donc, je sais pas si c'est un critère que ça doit être une quotidienne, peut-être. Ouais, je sais pas, hein. C'est pas comme un téléroman comme on le connaît au Québec. Mm-hmm. Un telenovela, c'est son propre style. Ouais, peut-être. Savais-tu, et là, je suis un petit peu en retard sur la nouvelle parce qu'on est une fois par semaine, c'est bien normal, ouais, mais que Megabug revient? Non. T'as pas vu passer ça, donc non. Parlons-en pour ceux qui ne savent pas. Megabug Reboot, la série animée des années 90, va revenir à la télévision. Le studio d'animation canadien Rainmaker Entertainment a annoncé cette semaine ou la semaine passée qu'ils ont renommé premièrement la division télé Mainframe Entertainment. Mainframe comme dans le Mainframe dans Megabug. Il y avait, je sais pas comment ça s'appelait en français, mais le Mainframe, c'était l'environnement ouais. dans lequel il vivait. Ouais. Qu'il développe une suite à Megabug. Qui est la toute première série entièrement en images de synthèse 3D. Cette annonce coïncide avec le 20e anniversaire de l'émission et vous allez vous sentir très vieux parce que c'était en 1994. Nous dit l'article de TVQC.com. La version originale de Mainframe Entertainment qui a été achetée par Rainmaker Entertainment en 2006, c'est également eux qui sont responsables de la série spin-off de Transformers qui se nommait Beast Wars. Bien que la nouvelle version de Megabug est présentement en développement, aucun réseau n'a encore signé l'entente de diffusion. En 2008, Rainmaker annonçait une trilogie cinématographique Megabug. Celui-ci avait même dévoilé une bande-annonce, mais 5 ans plus tard, ça n'a toujours pas eu lieu. Entre-temps, Rainmaker a sorti son premier film, Escape from Planet Earth, plus tôt cette année, et travaille sur un film s'inspirant du jeu vidéo Ratchet & Clank. Donc l'histoire se passe à l'intérieur d'un ordinateur. Bob est un gardien qui se charge de maintenir la sécurité du système Mainframe, dans lequel se trouve un virus du nom de Megabyte. En français, j'imagine que c'est de là qu'ils ont pris le Megabug. Ouais. Ce dernier cherche à tout prix à rejoindre le super ordinateur, un autre système bien plus puissant et dont Bob est originaire, afin de l'infecter. Je me rappelle avoir écouté Megabug quand j'étais jeune, mais aucune des références me rappelle rien partout. Non, c'est ça. C'est comme une émission que, oui, tu sais que t'as écouté. Ouais. Tu l'as vu. Ça passe mais... en bas. Ouais. Moi non plus, tu m'en parlais, puis là, je me disais. Ça m'a pas marqué du tout. Je sais pas pourquoi ça aurait dû. Parce que j'étais geek quand j'étais jeune aussi, oui. Mais je sais pas, il me semble que je trouvais ça plate. Mais peut-être que c'était mal fait, tu sais. Moi, pas parce que non, c'est, je sais pas. Mais c'est le genre de série, sérieusement, que je crois qu'il faut écouter dans l'ordre. Ouais. Comme j'écoutais des épisodes random, ça m'a pas touché. Ouais, peut-être. Faudrait le réessayer, voir. Ouais. Ça doit se trouver. Oui, tout à fait. Je vais sauter par-dessus quelques affaires. Là. Entre autres, que Kevin James, la vedette du cinéma, va être de retour à la télé dans une nouvelle série pour Lionsgate et Oprah qui va être productrice pour HBO. C'est plus ou moins intéressant. Mm. Par contre, un voyage dans l'espace pour le gagnant de Space Race. Okay. La chaîne NBC a annoncé qu'elle diffusera une nouvelle compétition dont le gagnant remportera un voyage dans l'espace. Wow, c'est genre... tu veux gagner, là? 2 millions de dollars, voyage dans l'espace, moi prendre le voyage dans l'espace. Hey! Plus sûr. Ben non, ça coûte bien plus que 2 millions de dollars, moi, sûrement faire un voyage dans l'espace. Mais c'est pas le max des prix qu'il donne à la TV, c'est 2 millions de dollars. Ouais. Le max. Ah oui, on a vu ça avec 2 236 000, je sais pas combien. C'était au Million Second Quiz et sur voilà. NBC. D'ailleurs, on reste chez NBC qui doit avoir beaucoup de budget pour faire deux grosses affaires comme ça ben de oui. suite. NBC qui a annoncé que le producteur Mark Burnett s'associera à la compagnie de Richard Branson, Virgin Galactic, pour la production de Space Race, un jeu qui permettra aux gagnants de monter à bord du véhicule spatial de Virgin pour un voyage dans l'espace. Virgin souhaite également offrir au public une expérience de tourisme spatial. L'entreprise a indiqué que Branson et ses enfants devraient devenir les premiers civils à monter à bord du véhicule pour un voyage dans l'espace au cours de la prochaine année. Magnifique. Burnett qui produit The Voice à NBC et Survivor à CBS. Quand même, hein, c'est payant. Pas un petit bonhomme. Mm. Maintenant, ah tiens, sur le nouveau site du Journal de Montréal avec un nouveau logo. Colin, c'est rouge et blanc et carré et plate à mort, ça. Okay. Donc, Harry Connick Jr. qui va être la star d'une série musicale. Oh? Le musicien américain sera la tête d'affiche d'une comédie musicale attendue sur la Fox. Harry Connick Jr. étoffe sa collaboration avec la chaîne américaine Fox, déjà juge à l'émission phare American Idol. Le chanteur rejoint un projet de série encore sans titre, écrit par Eric et Justin Stengel, scénariste de l'émission de fin de soirée de David Letterman. La star incarnera un artiste qui, malgré son succès, décide de s'écarter des projecteurs pour passer davantage de temps avec sa fille adolescente. Harry Connick Jr. décroche son premier rôle à la télévision, premier grand rôle, pardon, après des apparitions dans la comédie Will and Grace dans les années 2000. Il était très drôle dans Will and Grace, d'ailleurs. Donc non, ça a un gros potentiel. Harry Connick Jr., c'est quand même une bonne personne. Et on a parlé des scripteurs, non, en fait, je pense qu'on a parlé des producteurs. C'était quoi leur titre? Ça change absolument rien, c'est pour mon lien. Scénariste de l'émission de fin de soirée de David Letterman, les deux gars. Le lien étant, parlons de David Letterman, qui va être voilà. À CBS et au Late Show jusqu'en 2015. Non! Donc, le réseau américain CBS a annoncé que son animateur vedette David Letterman avait prolongé son contrat et restera à la barre du Late Show jusqu'en 2015. Monsieur Letterman demeurera donc en ondes bien plus longtemps que son rival Jay Leno, dont l'émission Tonight Show au réseau NBC sera remplacée par celle de Jimmy Fallon à l'hiver prochain. Ah, on a tellement hâte, là. Je capote. Ça va être M-A-L-A-D-E. Oui. Malade. M-A-L-A-D-E-U-H. Malade. Ah, ouais, oui. Ah, ouais. Mais je me demande comment on va faire pour écouter Jimmy Fallon et Seth Meyers qui va prendre Late Night. Oh! Hey, c'est vrai, je l'avais oublié. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Donc, David Letterman a affirmé à la blague que le président directeur général de CBS, Leslie Moonves, et lui-même étaient tombés d'accord sur le fait qu'il avait besoin d'un peu plus de temps pour bien roder son émission. Il est là depuis 31 ans. Ben oui. David Letterman qui détient déjà le record de longévité pour l'animation d'une émission de fin de soirée à la télévision américaine. On rappelle que Jay Leno perd sa job, donc après je sais pas combien de vingtaine, quelques années. Ouais. Qui a été renvoyé. Remercié de ses services. Ouais, mais ça a été tout nébuleux aussi là, avec tout depuis 2 ans là, Il avait laissé son émission à Conan O'Brien. Mm-hmm. Conan O'Brien a été sacré dehors de NBC pour aller sur TBS. Là, il a repris Jay Leno le Tonight Show et se refait sacré dehors. Là. Mais ils veulent le garder dans la boîte. J'ai lu un article disant qu'il allait essayer de lui donner un projet. Ouais, il est comme faussement sacré dehors. C'est ça. Ben, ce sera pas comme l'année passée, il y a deux ans où il était à 10h le soir en quotidienne. Non, ça marchera vraiment pas. Maintenant, parlons de films qui deviennent des séries. C'est le classique en ce moment. Donc, Bradley Cooper s'investira dans la production de la version télévisée du film Sans Limites. Ah. Oui, pas avec les Blue Poudres. Non. La télévision américaine n'en finit pas d'accueillir des séries adaptées de longs métrages. La dernière transformation en date est celle de Sans Limites, film de Neil Burger. Sorti en 2011. Bradley Cooper incarnerait Eddie Mora, un écrivain new-yorkais fauché, quitté par sa copine, dont la vie change du jour au lendemain grâce à la découverte d'une pilule spéciale. Ce produit qui n'est pas encore commercialisé améliore sensiblement la mémoire, les perceptions et les capacités de raisonnement. Oh. C'est cool quand même comme concept. Ouais. Science-fiction un peu. Donc le NZT, qui est le nom du produit, lui ouvre alors les portes d'une nouvelle vie sans aucune limite, mais Eddie n'est pas le seul à connaître l'existence de cette pilule magique. Bradley Cooper, qui partageait l'affiche avec Robert De Niro et Abby Cornish, restera associé au projet en tant que producteur aux côtés de Relativity Television et Georgeville Television. Intéressant, quand même. Maintenant, un autre vieux film, et celui-là va peut-être te dire quelque chose parce qu'il joue en reprise à chaque année à TVA. The Money Pit avec Tom Hanks. En français, on l'appelle La Foire au Malheur. Ah, et oui. En France, on l'appelle Une Baraque à tout casser. Oh mon Dieu! Une Baraque à tout casser. Ah, c'est laid. Donc, la chaîne américaine s'inspire du film La Foire au Malheur pour concevoir une série avec l'aide de Amblin Television, la société de Steven Spielberg. Donc, Tom Hanks est apparu en 86 dans cette comédie de Richard Benjamin, The Money Pit. Le film raconte l'emménagement d'un jeune couple dans une maison apparemment en bon état. Une fois installés à l'intérieur, Walter et Anna se rendent compte stupéfaits de l'envergure des travaux à réaliser. C'est bon, ce film-là, pour vrai. Ouais, pas pire. Selon Deadline, NBC a confié l'écriture de cette adaptation à Justin Spitzer, l'ancien scénariste de The Office US. Ah, oui. Ouais! La Foire au Malheur était déjà la nouvelle version du film Mr. Blandings Builds His Dream House. C'est quoi ça, Mr. Blandings Builds His Dream House, sorti en 1948 avec Cary Grant. C'est dur à dire, ça? Ben, t'as réussi. Merci, mais trouve donc un titre plus simple pour ton film, man. Je saute encore une fois par-dessus un article, désolé, mais je vous en parle et allez voir sur assemblageRequis.com, mais il y a une version de Breaking Bad en Amérique latine qui s'en vient, c'est Metastasis. Oh. Pour le public de l'Amérique latine, c'est par Sony Pictures. Et finalement, Avalanche Sharks, parce que Sharknado n'était pas assez what the fuck. Ben non, hein? Grâce aux millions de personnes qui ont regardé le film Sharknado, Sci-Fi continue à surfer sur la vague. Vas-y. Non, rien. C'est juste très drôle. OK, merci. Donc, surfer sur la vague des requins mangeurs d'hommes avec son nouveau film Avalanche Sharks. Et là, moi, je comprends pas. Le site tvqc.com écrit des articles de marde, sérieusement. Ils disent Avalanche Sharks ou encore en français Shark Alanche. Non, je pense pas qu'en français, il s'appelle Shark Alanche parce que Shark, c'est requin. Ouais, vraiment pas. Fait qu'au pire, requelanche ou avalanquin, mais pas Shark Alanche. Excel rafraîchant, Alain. Donc, on dit que ça tourne autour d'un gigantesque requin des neiges et ça s'en vient dans le futur. Je lis pas le résumé, je m'en fous. Mais je trouvais ça drôle d'en parler. Shark Alanche en français. Oui, Shark Alanche, bien sûr. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, c'est beau comme ça. C'est beau comme ça. Et on va transitionner sans aucune chanson pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps. Voici C'est un fait Tech Edition. Houhou! Mais là, parce que je vais avoir le temps de jouer une dernière pièce de chiptune juste avant la quiquette en deux. Tu vas me faire ça! Mais c'est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Okay. Donc, allons-y avec ce qui s'est passé dans l'histoire. De la technologie, bien sûr. On recule au 8 octobre. Enfin, oui, on recule à hier, le 8 octobre. En 1860, où les lignes de télégraphe se sont ouvertes entre Los Angeles et San Francisco, ça a permis aux mineurs, les gens qui ramassaient de l'or, de dire aux gens qui étaient plus au sud qu'ils n'avaient toujours pas trouvé d'or. Donc, avec un télégraphe, c'était en 1880. 60, pardon. En 1921, la station de radio KDKA à Pittsburgh a conduit la première diffusion web. Diffusion en direct. Hey! Ils ont suivi ça sur Shoutcast en 1921. Ben oui. Ah, ils étaient en avance, eux autres. Vraiment, c'est des visionnaires. Donc, ils ont diffusé pour la première fois en direct une partie de football. Du cool. Forbes Field. C'est l'université de Pittsburgh qui a battu West Virginia University. On recule au 7 octobre en 1806 où l'anglais Ralph Wedgwood a reçu le premier brevet pour le papier carbone, ce qui a mené aux initiales CC, donc copie carbone dans un courriel CC. Ah, c'est donc bien hot! C'est ça que ça a accompli. Ben genre, j'avais jamais même pas pensé à ça. 1806. Wow! On recule au 5 octobre 1969, le premier épisode de Monty Python's Flying Circus sur la BBC et l'émission de télé Monty Python a créé le sketch basé sur le spam, qui est devenu ensuite le terme slang pour du courriel indésirable, le slang. Oh. Le spam. Le spam, voilà. Spam. En 1992, IBM annonce le ThinkPad, la ligne d'ordinateur personnel à ses bureaux à New York. Donc, en 1992, la lignée du ThinkPad. Et en 2011, toujours le 5 octobre, c'est la mort de Steve Jobs. Oh. Ouais, le cofondateur et CEO de chez Apple qui a combattu un cancer du pancréas. Ouais. Ouais. Ensuite, on recule un petit peu plus loin au 3 octobre en 1954 où John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley ont reçu chacun un brevet américain pour des circuits qui allaient plus tard devenir le transistor. Et finalement, le 2 octobre en 1925, John Logie Baird performe le premier test d'un système de télévision qui fonctionnait, fonctionnel. Ça a livré un signal, une image verticalement scannée à 30 lignes grayscale, donc noir et blanc, à 5 images par seconde. C'était une poupée de ventriloque qui apparaissait à l'écran et l'homme de un garçon de 20 ans, William Edward Tainton est devenu la première personne à avoir été télévisée complètement. Donc, c'était en 1925. Tu sais, on entend souvent, bon, la télé, ça commence dans les années 50. Ouais. Ça a commencé en 1925. Ça a été populaire à partir des années 50. C'est fou, hein, pareil. Ça a 25 ans. C'est quelque entre chose. Entre les deux. Maintenant, parlons de technologie plus at large. Les médias sociaux, la publicité sur les médias sociaux a augmenté de 42,1% en 2012. C'est monté, à 7,94 milliards de dollars. Ah, mais c'est vrai, là, maintenant, quand tu regardes ton Facebook, là, à ce temps-là, c'est tellement du spam. Là. Ah, wow. Ça n'a aucun sens. Ça devient désagréable, un peu comme sur Instagram, c'est encore Tu penses que tu as plein de nouvelles, mais finalement, tu n'as aucune nouvelle. Là. C'est juste des annonces. Et des photos de bébés. Aussi. Des petits chats, des fois. Oui, ça, je les garde. Les photos de bébés, je cache ça pas mal vite. Ouais. Sauf celui de ma sœur. Salut, Heidi. Salut. 57% des gens qui ont entre 19 et 25 ans utilisent Tumblr. 52% pour Facebook, 17% pour Twitter, 11% pour Instagram et 4% pour Snapchat. Facebook et Twitter, les utilisateurs sont 40% hommes, 60% femmes. Les consommateurs de l'Amérique latine passent en moyenne 10 heures par mois sur les réseaux sociaux, qui est le double du reste du monde. De la moyenne du monde. Et boy! 51% des adolescents disent que leur premier appareil mobile va être un appareil iOS, donc iPhone et autres, comparé à 22% pour Android. Mon Dieu! Les gens changent. Moins? De camp. Eh ben. Les jeunes apprennent surtout qu'une page fan page sur Facebook existe via leurs amis ou en s'enfargeant sur Internet et en arrivant dessus par hasard, comparé à 28% des gens qui cherchent spécifiquement C'est fou 89 FM. Quand même. Ouais. Pour les jeunes. Mm-hmm. Et à l'extérieur des États-Unis, l'Irlande est le pays qui produit le plus de logiciels dans le monde. L'Irlande, de logiciels, du software. Software. Ouais. Donc voilà, pour c'est un fait technique. On fait ça plus court que d'habitude parce qu'on manque un de peu, temps. Hein? C'est ça. Parce qu'on veut passer une dernière pièce de chiptune avant la chronique Geekette en devenir, ça te va? Ah, j'ai-tu joué? Ben pas vraiment. On écoute Breeze Squad tout de suite. Est vraiment, vraiment bonne pour vrai. OK. MPS, le Mathieu Plante Show. C'était Breeze Squad, une pièce originellement performée par Wink, un duo de filles, un groupe japonais du début des années 90. Wink. Et la pièce, donc, s'appelle... est-ce que c'est Breeze Squad? Oui, non, c'est ça. Je suis un peu mêlé ici, attends un peu. Ça vient de l'album Tragédienne, le troisième single de l'album City, par ce groupe-là, si je comprends bien, qui s'appelle Breeze Squad. C'est bien ça, exact. C'est confirmé, je le confirme. Donc, tout ça pour dire qu'on est presque à la fin du Mathieu Plante Show. On a vécu plein de mésaventures technologiques, internetiques et télévisionniques, cathodiques. Internetiques, oui. Ah ouais, ça existe, ça. C'est comme la netiquette. Dans le temps, tout le monde parlait de netiquette. C'était genre comment parler sur Internet et se faire comprendre. Là. La netiquette. Donc, ça me fait penser à internetique. Et tout ça nous mène, comme toujours, c'est le but final. C'est comme le petit drapeau à la fin du tableau de Mario. Voici la geekette en devenir. Marie-Ève Picard, geekette en devenir. C'est moi. Que nous présentes-tu dans cette merveilleuse chronique? Oh, tout plein de belles choses. Des choses que tu as trouvées sur Internet. Tu as fait ton internetique. Ben oui, c'est ça, j'ai fait mon internetique. C'est comme de l'athlétique, mais Internet, ça. Ouais. Hey! Pas pire, hein? Je m'entraîne avec mes doigts sur mon clavier. Ah, c'est ça ton entraînement? Oui, c'est ça. Un peu différent du mien, mais bon. Ouais. C'est pas grave. Pas grave, ça. Écoute. Hey, imagine-toi donc. Tu sais, quand on se marie, là. Oui, c'est oui. Mettons que ça arrive. Se marie, là, c'est ouais. Ça, là, mettons que, tu sais, que ça pourrait peut-être arriver un jour. Là. Je pourrais changer d'avis un jour. Ouais, c'est ça, on ne sait jamais. Ouais. Continue d'espérer. Ouais. Ben, tu sais, il y a des gens, des fois, là, qui ont des bonnes idées, puis qui font des choses super le fun, okay. Qui donnent envie de se marier. Comme par exemple, au lieu de prendre des photos plates, ben, bon, écoute, je suis une fille, c'est sûr que moi, je trouve pas ça plate, des belles photos avec une grande robe de mariée blanche, là, ouais. Avec la traîne, puis tout, là. Là. Espèce de traînée, toi. Hey! Franchement, tes paroles surveillent, ouais. Là. Hein? Donc, tout ça pour dire, c'est ça, il y a un couple qui s'est marié et à la place de faire des photos traditionnelles, exactement, ben en place, ils se sont fait faire des photos avec des positions, disons... Kamasutra. Non, il n'était pas rendu là encore, là. Bon, même s'il était marié, mais bon. des photos de des poses dans des films de Hollywood, mettons. Mm-hmm. Alors, comme mettons, Back to the Future, mettons. Moi? Je m'excuse, les titres en français. Retour vers le futur. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est là que j'aurais dû le dire, hein, je savais, mais bon. Je t'aide pour le seul qui n'a pas besoin d'être, c'est ça que tu veux dire. Mais bon, c'est ça. Fait que, dans le fond, ils ont pris des photos avec les positions là, à prendre, puis ils se sont comme photoshopés avec l'image, la vraie image. OK. Fait que ça donne des photos super drôles, là. Je suis dessus en ce moment, oui. Et je peux confirmer que c'est en effet très drôle. Puis, comme mettons, là, celle la première à gauche, là, qu'on voit, là, ouais. Comme dans Mon fantôme d'amour, là, la fameuse poterie. Ah, c'est ça, la poterie, oui. Oui. Oh, wow. Mais c'est qu'ils ont pris vraiment la scène telle qu'elle dans c'est le DVD. Ça, c'est ça, ils se sont fait poser, là, pareil, là. Ils sont découpés le contour dans Photoshop, puis ils sont pastés par-dessus Patrick Swayze, mettons. Exact. Oh, wow. C'est malade, hein? Cool. Fait que ça fait des beaux souvenirs. Oui. Ça donne envie de se marier. Oui, hein, Mathieu Plante? Ben oui, c'est sûr. Bon. C'était bon rire. Ben oui, c'était beau. Hein? Merci. Enfin. Bon, alors là, si jamais tout ça ne marche pas, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un autre partenaire. Hein? Aha! Quand ça marche pas. Mm-hmm. Puis mettons, tu sais, qu'on s'ennuie, là. Ben, écoute, il y a un nouveau site, ben, entre peut-être pas si nouveau que ça, récent, ouais. En fait, qui est comme un site pour des rencontres fantômes, un peu, si on veut. Okay. Pour des gens seuls, un peu déguisés comme en fantôme, si on veut. OK. En fait, c'est que tu te crées, tu vas sur le site, et puis ça s'appelle Ghost Single. Puis tu te crées un profil, là, comme. En tant que personne, là, dans le fond, là. Mais tu peux. Comment dire, c'est tu es comme rendu un fantôme là-dessus. OK. Donc tu joues le rôle d'un fantôme. Exact. OK. Fait que ça donne une très bonne partie de plaisir, c'est assez drôle. Et tu peux chercher les autres fantômes là-dedans. Oui, c'est ça. Tu as dans la place là pour parler là. OK, un chat. Ouais, c'est ça, le chat room comme ils disent. Puis c'est très très drôle. Wow! Ben pour vrai, non, je trouve que c'est quand même assez cocasse, c'est ghostsingles.com. Oui. Et leur slogan c'est Don't hunt alone, n'en t'es pas seul. Ouais. Fait que tu sais quand tu veux un petit peu t'amuser là puis t'as pas trop te prendre au sérieux c'est là. Ça. Fait que c'est quand même ça va mieux que Do You Look Good. Oui. Ça existe encore, ça? Badou. Badou. Je suis pas sûr. Mais je pense que c'est comme sur rendu caramel. Ça. Caramel. Ouais, mais je pense que c'est rendu ça, enfin. En tout cas, bref. Ouais. Pas grave. Ouais. Et aussi, tout en continuant mes recherches, bon, je sais que toi, t'as pas d'auto, là. Ça peut peut-être t'intéresser un peu moins, là. Ben, je sais pas. Mais imagine-toi donc, c'est vraiment cool, là. Il y a, dans le fond, un body shop, là, une carrosserie, qui s'appelle Auto Candy, qui a réussi à faire une peinture. En fait, ils ont peinturé un automobile, ouais. Mais qu'avec les intempéries, elle change de couleur. Quand selon... il pleut ou tu vas au lave-auto, mettons, il y a de l'eau, ça change de couleur. Selon, oui. Wow! Ou quelqu'un au centre-ville pisse dessus. C'est comme quand on était jeunes, là, nous les filles, là, puis on avait une bague là, d'humeur là, qui oui. changeait de couleur avec notre température de peau. Humeur. Là, mais c'est, finalement, c'est notre température de peau qu'on a appris plus tard, mais bon. Ah, mais donc c'est, non, c'est la voiture, présentement, mettons, elle est, j'imagine qu'elle est orange à la base, et il n'y a plus, et là, elle est orange à la place. Oui, c'est ça. Elle devient noire, grise. C'est là, le contraire. Elle était orange à la base. C'est ça, okay, exact. Okay. Fait que dans le fond, tout ce que ça l'a fond, ben pas fondu, là, mais où ce que ça l'a coulé, ouais. Ça... Mais c'est comme un bonbon casse-gueule, genre ouais, qui change de couleur dans ta bouche. Ça. Pour vrai, c'est malade. J'aimerais ça. Un jour, tu sais, dans le fond, tu veux personnaliser ta voiture. Oui. Bon, je vais prendre une voiture mauve ou je vais prendre une voiture rose. Mais là, tu vas prendre une voiture deux couleurs. Oui. C'est comme les petits bonbons mystères qu'il ouais. est bleu, mais ça goûte le citron. Aïe, ah, oui. je capote. C'est cool, si tu liches le char, il pourrait peut-être sentir, goûter le citron aussi. Hey, c'est vrai, tu pourrais faire des lichats. Tu aurais des, comme des places, là. Oui, juste la trace de langue. Ouais. Malade. D'une autre couleur, c'est ça, cool. C'est magnifique, hein? Ça. Ouais. Moi aussi, j'aime ça. Ouais. Pardon. Et finalement, là, écoutez, je sais, tout le monde va être déçu. Normalement, okay. Je trouve des princesses de Disney... C'est un thème récurrent, les princesses Un thème récurrent, là, ouais. Mais bon, cette semaine, il n'y en a pas. Non. Hein? Mais à la place... J'ai trouvé d'autres choses. Tout aussi féfille, j'imagine? Ben, enfantin. Enfantin. Ouais. C'est toi, ça. C'est toi. Si, mettons, je dis des peintures classiques et Sesame Street. OK, donc tu parles de... Là, attends un peu, il faut que je... Est-ce que c'est genre un personnage classique d'une peinture qui est accompagné à côté de toutou de Sesame Street, non? Presque ça. Tu peux pas faire mieux. Non, c'est presque ça. En fait, c'est des personnages de Sesame Street, mm-hmm. mais qui sont mis dans les cadres, qui remplacent, dans le fond, les personnes dans les vraies peintures classiques. OK, OK. Là, je suis dessus et je vois, en effet, que, dans le fond, c'est, mettons, le corps de peu importe Napoléon. Peu importe, oui, exact. Et à la place d'avoir sa tête à Napoléon, c'est la tête d'une marionnette. Exactement. Et les mains qui sortent sur les côtés, c'est aussi... C'est ça. C'est comme si c'était lui, le personnage, là, finalement. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, parce que, pour vrai, ça ressemble étrangement aux vraies peintures d'origine, aux vraies ben, photos. Ben oui, c'est sûr. Les angles de lumière et tout ça, c'est très réussi. C'est vraiment cool. Wow. Alors, c'est très gens, beau. Je vois que c'est des gens sur worth1000.com qui sont tout le temps des gens de vrais talents. La plupart oui. des vrais montages oui, photos oui, là, oui, professionnels, oui, oui. c'est là qu'on les trouve. Ouais. On va aller chercher le lien sur assemblagerequis.com. Ben, il faut. Merci. C'est très beau. Marie-Ève Picard. Ben, de rien, Mathieu Blanc. Belle recherche, princesse. Merci. Bravo, bravo, merci. Bravo, bravo. Mm-hmm. Et c'est tout pour le Mathieu Planchot cette semaine. Mathieu, okay, oui. T'es sûr que tu vas faire la conclusion? J'ai la misère avec mes respirations, ouais. comme toujours. Veux-tu ouais. la faire? Ouais, je vais la faire. OK, vas-y, garde-toi. OK. Prise. OK, on y va. 1, 2, 3, go. Voilà qui termine une autre édition du Mathieu Planchot. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis à 16h. On est aussi en rappel les samedis à 15h. C'est vraiment comme vous voulez. Pas de pression pour tout. Consultez la programmation de C'est Fou au cfou.ca et retrouvez tous les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Merci Marie-Ève Picard. Oh, ah non, est-ce que c'est moi ça? C'est Mathieu Plante, mon nom. Ouais, merci Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Alors, de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show, merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée demain et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye-bye!